Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. Eh bien, vous êtes sur l'émission iFunk, actuellement sur Radio Fadjet, sur 94.2. Et puis, bah, on est là pour, comme d'habitude, un maximum de plaisir. Évidemment, c'est la dernière pour les vacances, donc c'est pour ça qu'on va maximum bouger aujourd'hui. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous ferai découvrir tout plein de sons. Pour ceux qui me connaissent déjà, bah vous êtes au courant que j'ai extrêmement de mal à choisir mes musiques parce que je n'ai que 30 minutes à partager avec vous pour répandre le funk sur toute la planète. Bref, eh bien, nous allons commencer aujourd'hui. Bah, j'hésite, hein, comme d'hab. Du coup, vous savez quoi? On va commencer par quelque chose de lover, you know? Si je parle comme ça, only, only in the few. Bon, là, pour le coup, ce sera Let the Music Play. On se la pète un petit peu. En tous les cas, eh bien, si vous êtes à côté de quelqu'un, j'espère que je ne créerai pas un malaise, puisque là, eh bien, on va mettre du son de Lover, du son de disco, du Barry White, Let the Music Play. J'espère que j'ai mis un maximum de love dans votre radio. En tous les cas, bien, vous êtes toujours sur iFunk. Et puis, bon, on est là pour toujours bouger, bouger. Alors, juste pour petite info, le Let the Music Play 1976, Barry White, qui n'est plus là. Hein, je m'étais posé la question la semaine dernière, c'est pour ça que je l'ai mis cette semaine-là. Mais c'est vrai que ça fait déjà depuis 2003 hein, qu'il nous a quittés. Il a fait évidemment bon nombre de sons que vous connaîtrez toujours avec sa voix suave, you know. Il y a une des chansons, c'est incroyable. En fait, il fait yeah, oh, yes. Et c'est incroyable parce que le mec peut faire un duo avec ça et ça cartonne. Faut savoir quand même qu'il a vendu plus de 100 millions d'albums. Hein, donc, l'air de rien avec ses sons, il a cartonné. Hein. Alors, du coup, j'espère que je vous ai pas trop casser les tympans. Alors, en tous les cas, bah évidemment, j'ai envie de vous faire bouger un petit peu. Je vous rappelle que c'est les vacances, qu'il fait chaud, et puis bah le funk est là tout le temps, n'est-ce pas? Alors, eh bien, on va... Bah, j'ai envie de vous mettre un petit peu... Vous savez quoi? Je vais vous mettre du classique. Pas de la musique classique, évidemment, mais du classique, ça veut dire Earth, Wind and Fire, My Promise. Et c'est sûr... I think. Wow, we've been together since we met, soul to soul, sticking get. Well, day by day, our hearts entwine till I can't tell yours from mine. If you should ever want to go and make this our last episode, I exit with a graceful bow, but I'll always be around. Conceal this boundless joy you make me feel. From way back when to here and now, if you need me, I'll be around. I promise to you, promise, have no fear. When you need, I'll give you. And I promise to you, always keep me going. Bien chez vous. J'espère que le funk est toujours en vous, que les vibrations se répandent sur toute la planète. Bref. Bref, en tous les cas, ben, on écoute du Earth, Wind and Fire, My Promise. Et puis, ironie, hein, je vous parlais juste avant, eh bien, de Barry White. Il nous a quittés en 2003. Eh bien, il se trouve que c'est en 2003, et oui, c'est en 2003 que ce son a été fait, My Promise de Earth, Wind and Fire, qui donc, bah, même en 2000, dans les années 2000, produisait toujours autant. Et puis, bah, c'est toujours autant de plaisir pour le funk. Alors, bah, là, ça fait presque une petite dizaine, là, ça fait 9 minutes à peu près qu'on est là ensemble. Je pense que c'est bon. Je pense que vous êtes prêts pour un maximum de funk. On est toujours dans le présent, hein, plus ou moins dans le présent. Un chanteur que j'aime particulièrement, c'est un groupe. C'est vrai que quand on pense à Jamiroquai ou Jamiroquai, je ne sais pas comment on le dit, en tous les cas, c'est vrai qu'on pense au chanteur. Mais en fait, c'est un groupe, hein, qu'on soit bien d'accord. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est du on va mettre celui-ci dans le funk, hein, clairement. Donc, c'est parti. Jamiroquai, Don't Give Hate a Chance. Et c'est sur Radio Fadjet 94.2 ou sur iFunk, mes amis. Allez, prenez du plaisir. Can't you love me? Don't hate me. c'est évidemment Jamiroquai, Don't Give It Hate a Chance. Alors, il faut savoir, juste pour l'information, c'est que Jamiroquai, c'est en deux morceaux. Hein. Il faut savoir que Jam, je ne sais pas si vous connaissez, je vous en avais déjà parlé dans une des émissions, c'est tout simplement de l'improvisation, hein, en gros. Vous avez des jams d'ailleurs à Nancy, super, c'est génial. Tout le monde arrive, tout le monde improvise avec ses instruments et on s'éclate, ouais. Et Iroquois, je pense que vous l'avez vu un petit peu sur sa tête, vous voyez. Tout simplement, c'est sa tête, il aime bien les Indiens, tout ça. Et il faut savoir quand même que ce son-là, Dynamite, hein, 2005, eh bien, a évidemment cartonné. Et puis, petite info, hein, c'est quand même un petit millionnaire. Il aime beaucoup les voitures, il aime beaucoup. On le voit d'ailleurs dans certains de ses clips. Les voitures lui appartiennent en fait. Voilà. En tous les cas, c'est un mec super funky et on le kiffe tous. C'était Jamiroquai ou Roquay, comme vous voulez. Bref, alors, donc du coup, c'est comme d'habitude, hein. Allez, oui, évidemment, vous savez, ma grande passion pour le chanteur Stevie Wonder, eh bien, je vais vous en mettre tout de suite, je vous en mettre plein les oreilles, évidemment, et puis, écoutez les paroles, hein, n'hésitez pas, super intéressant, il s'agit de Stevie Wonder, Superstation, et c'est sur iPhone. Sincèrement, quand vous chantez, On s'en fout, hein, c'est pas grave hein, si vous savez pas chanter. Le funk n'est pas là pour être professionnel, c'est là pour l'improvisation, c'est là pour la vie. D'ailleurs, bah, là, vous écoutiez Stevie Wonder, Superstition, un son qui a été écrit avec Stevie Wonder et, que je ne dise pas de bêtises, Jeff Beck. D'accord. Et donc, quand ils ont fait l'album, parce qu'ils ont fait l'album Talking Book, ils ont fait une grosse partie d'improvisation, d'accord. Et pour ce son-là, il faut savoir que le tom tom tom tom, je le fais très bien. Eh, je vais faire du beatbox, hein. Ça a aucun rapport. Le mec étale tout son talent. Bon, bref, en tous les cas, il faut savoir que bah la batterie est faite par Stevie Wonder, le clavinet Horner est fait par Stevie Wonder, le chant est fait par Stevie Wonder et le Moog Bass est fait par Stevie Wonder. Évidemment, il y a aussi Trevor Lawrence pour le saxophone et Steve Madaio pour la trompette. Et puis, bah, évidemment, ce son a été fait en 1972. Aux États-Unis, hein, il est sorti en 72 et en 73 chez nous. Alors, et puis dernière info, hein, parce que je vous parle quand même d'écouter les paroles, mais tout le monde n'est pas censé comprendre l'américain, enfin voilà, les États-Uniens, tout ça. En fait, en gros, c'est juste pour dire que les superstitions, c'est débile, quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà, voilà. 3 minutes pour dire ça. Bon, c'est super intéressant, mais en tous les cas, c'est le funk. En tous les cas, bah, ça me fait super plaisir de vous avoir. Je vois le temps qui défile. Ça fait déjà 20 minutes. Un peu moins de 20 minutes. C'est triste, la vie. C'est tellement court et triste. Mais heureusement que... voix de slogan. Heureusement que le funk est là pour toi, car le funk, c'est plus fort que toi. Bref, en tous les cas, bah, on va mettre un truc qui bouge. J'ai envie de mettre un peu, cette fois-ci, ouais, du George Benson. George Benson, j'adore George Benson, qui je n'adore pas de toutes les manières. Alors c'est parti tout de suite, George Benson on Broadway, et c'est sur iFunk. Da da da da. voilà, on arrive tout de suite au dernier son. Le dernier son, Funkmaster, Ozone, Funk Style, Boogie Down. En tout cas, ça va me permettre eh bien, de vous souhaiter une excellente semaine, une excellente, eh bien, un excellent mois d'août, hein, puisque bah, malheureusement, le mois d'août, je ne pourrai pas enregistrer. Je sais, vous êtes super triste. C'est tout à fait normal. Moi, je suis mauvais comédien. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça me fait super plaisir. J'adore cette musique, ce style de musique. Et puis, bah, c'est quand même bah, grâce à Fadjet hein, aussi que je peux bah, partager ce son que j'aime tant, vous voyez. Bon, là, il fait beau, mais quand il va pleuvoir, parce que bah, on est en Lorraine, hein, donc ce moment arrivera forcément. Écoutez du funk, ça guérit tout. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, l'ail, machin, etc., ça guérit tout. Le funk aussi, hein. T'as une plaie, du funk. T'as mal à la tête, du funk. T'as envie de dormir, pas de funk. Une mauvaise idée. Par contre, tu vas te réveiller, oublie le café, écoute du funk. En tout cas, bah, ça me fait super plaisir, encore une fois. Je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses, tout plein de bonnes funk. Et puis, bah, je vous laisse avec Funkmaster. Ciao. It's gonna blow your mind.